de maintenant. Sopran Baba. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Soprano. Skyrock. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Soprano. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est déjà la dernière de la semaine. Sopra, comment va? Impeccable. Mais ça veut dire la bonne nouvelle, c'est que tu te rapproches petit à petit de la tournée, notamment du 10 mars. Et ouais, la semaine prochaine, on à Toulouse. Direct. Zénith de Toulouse. Et puis les autres dates qui vont s'enchaîner, on va en parler évidemment ce soir. Je vois beaucoup d'invités ce soir. Attends, tu vois, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ah, y a du monde. C'est la dernière, hein, comme toutes les dernières au Planet Rap, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Donc gros live de prévu ce soir. Ouais, on va des extraits de ton live aussi. C'est ça. Et surtout, on va continuer comme on a fait tous les soirs à présenter un peu la tournée. Donc ça veut dire que voilà, on a présenté un peu le show juste avant hier avec Clem, Matt. Avant-hier, on était avec Vince et toute l'équipe du Fresh Prince Tour. Sacrée équipe. Voilà. Et là, on va se concentrer sur ceux qui vont mettre le feu juste avant que je passe. Voilà, ils sont tous dans la place. Donc, tous ceux qui à un moment ou à un autre vont te rencontrer en première partie en tournée. Ouais, mais et que tu connais évidemment. Parce que c'est des tueurs. Voilà, ils vont venir, ils vont te retourner ça. Et ben, on vous les présente dans un instant. Yes. Juste avant de débuter ce Planet Rap, on va réécouter ce qui s'est passé durant cette semaine consacrée au live au Cosmo Tour de Soprano. Replay de la semaine tout de suite. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Quel est le bilan Sopra de l'album pour l'instant? Ben, on m'a dit on était double platine. Les concerts sont presque toutes complètes. C'est pour ça qu'on est venu cette semaine, tu vois. C'est le Cosmo Tour. Chaque fois que j'entends, je me dis putain, merde, y a pas un concert à heure là. T'as envie de le faire? Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, bon, il doit y en avoir quelques-uns aussi, c'est n'importe quoi. Cosmo, c'est le pire. Cosmo, on l'a fait à Brest 8 fois d'affilée. Ouais. Ah oui, à la Jay-Z Kanye, quoi. Ouais, mais c'est le public qui a demandé en fait. C'est eux qui ont trouvé l'idée en fait. Et sinon, ouais, les gens, tout ça, le public, ce que vous ressentez, tout, c'est fou. C'est ouais, bonne vibe. C'est vraiment, que ça s'amuse, quoi. Tu ressens vraiment ce que tu donnes au public, il te le redonne, en fait. Comme à chaque fois, on fait des super concerts, le public, il est super, avec beaucoup d'énergie et surtout positif. Ça ramène ça dans le tourbus et on passe des super moments. Mais que dit Oncle Phil? Mais quel morceau de zouk conscient! Waouh! Toujours une bonne occasion de gigoter. Je gigote ce soir, Oh là là là là! Tiens, alors c'est bon, on a récupéré Wally. Allô Wally! Ça va? On t'a raccroché un peu la gueule, je suis désolé. C'est pas mon frère! Mais non, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi, tu me fais ça? C'est pas moi. C'est Vincenzo. Non, deux secondes. Attends deux secondes. On va laisser passer notre gigoteur, notre Jeffrey National. C'est notre Jeffrey National, monsieur Walidia. C'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Répétition live en direct de Skyrock. Fresh Prince. Yeah. On danse quoi, Fred? Va tomber, Jeffrey. Remets-nous nous déclassant. Frédérico Skyrock, Planète Rap. Matt Pokora, M. Pokora, il est là. Et ça fait longtemps que tu n'as pas foulé cette moquette, il n'a pas changé. Je crois que la dernière fois c'était en 2010. Il y a encore plus de chewing-gum par terre que la dernière fois. Planète Rap. Petit à petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit, maman te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Tu feras mieux que lui. Oh, oh, tu feras mieux que nous. Maman chante en solo, papa chante en solo. Et moi je leur fais les cœurs un week-end sur deux. J'ai changé de rythme de vie, de tempo. Je cherche mes pas entre sa valse et son tango. L'émission rap de référence, c'est Planète Rap sur Skyrock. Voilà tout ce qui s'est passé cette semaine et ce soir ça continue encore jusqu'à 21h. Dans un instant, alors on vous présente qui en première partie, ceux qui vont être en première partie, Sopra, sur ce Cosmo Tour. Ben, déjà, celle qui sera avec nous le plus et surtout qui a été avec nous la première partie de la tournée, c'est Messiana. Qui vient de sortir un projet. Ah, voilà, un petit EP qui déchire. C'est pas un petit, tout est grand. C'est un grand EP. On va en parler avec elle dans un instant. Il y aura aussi qui sera au micro. Alors il y aura aussi La Puissance Nord. Eux, voilà, je sais, ils aiment pas ce que je vais dire, mais c'est grâce à eux que je rappe, tu vois. On était petits avec les psychiatres, eux, c'était les premiers des quartiers à côté qui prenaient le micro et commençaient à rapper. Sur scène, c'est n'importe quoi. Et là, ils sortaient un disque là pour, dans les quartiers nord, c'est un peu une légende. L'APN, c'est une légende. Donc, la puissance nord qui sera là avec nous ce soir aussi. Voilà. Et des mecs, tu vois, je les ai rencontrés aujourd'hui pour la première fois, t'imagines? C'est, voilà, je suis tombé ça sur le net. On en a parlé en début de semaine, voilà. On les a même appelés en Belgique. Voilà, on les a appelés en Belgique, ils ont répondu présent. Voilà, il y a la New School qui est là pour représenter la Belgique, voilà. Qui seront avec nous au Forêt Nationale. Et n'oublions pas quand même les deux turbulents, hein, de l'équipe qui sont avec nous. Ils sont avec moi sur scène tout le temps. Frédérico! Voilà, Zach et Diego qui sont là avec nous aussi. Ouais, en plus aujourd'hui il leur arrive un truc de ouf. Le morceau il cartonne partout sur les réseaux. Mama, ouais. Bien, tu vois, c'est leur premier morceau, ils ont la baraka quand même. Hein. Bravo. Ils ont la baraka. J'applaudis des deux mains, bravo. Voilà. Et aujourd'hui il y a leur clip qui vient débarquer. Voilà, le clip de Mama qui est là. L'équipe il est là sur le Facebook, Zach et Diego. Zach et Diego. Et on va rigoler tout ça. Bah, comme d'hab, comme chaque soir. Avant de retrouver un peu tout le monde et de présenter tout le monde. Peut-être qu'on sera galant et qu'on commencera par Siana dans un instant. C'est obligé. Juste avant, on va mettre un morceau du live pour donner un avant-goût de ce qui vous attend dès la semaine prochaine. Voilà, on va se et dans toute la France. En mode Fresh Prince. Allez, Fresh Prince live. Et puis on rappelle aussi que ça sort le 16 mars, hein, l'édition collector. Voilà. C'est en préco, hein. C'est en préco. Je sais pas si on le dit beaucoup, mais non, on l'a pas c'est vrai dit. Que c'est en préco et les gens ils peuvent avoir mon morceau préféré, c'est-à-dire le morceau où je chante pas. C'est le public qui chante Cosmo, c'est un truc de malade. Donc ça, on peut l'avoir tout de suite. On en parlera avec Siana. Siana était avec nous sur scène quand on faisait ces trucs. Là. Donc on en parlera tout à l'heure et tout, c'est des trucs de malade. Voilà. Allez, on balance tout de suite Fresh Prince et on trouve Siana, La Puissance Nord, New School, Zach et Diego aussi, et DJ Mage qu'on n'a pas salué là-bas dans le fond. Attends, obligé. Et on fait une dédicace aussi parce qu'il n'y a pas que tous ces grands noms qui sont là, qui vont faire la première partie, il y a aussi Révolution Urbaine qui vont faire des dates, donc là ils sont là-bas, j'ai pas réussi à les avoir, mais je leur fais une grosse dédicace à eux aussi, voilà. Allez, c'est parti, le Planète Rap Sopra et Fresh Prince en live. La classe de Brad Pitt. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross. Le DJ met mon sang dans la boîte, c'est le buzz. Un mec me fera la tête, un mec veut se faire du buzz. Mais si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma sécurité, j'ai fait tout pour tailler ta gueule. Quoi? Bref, nous comparons pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme du Kanye West. Chez nous, on fait des hits depuis l'époque de la marelle. Oui, je sais, je dis pas, on l'appelle. Ils se prennent pour Barcel, Finger Bell. Quand tu prends le micro, j'entends Finger Bell. Nous on brille, sans l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Pomarev, yeah. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, on dit nous on baisse. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la cartonne. On danse quoi? Danse à la cartonne. On danse comment? Jeffrey! VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Tous les yeux sur ma salle, tous les yeux sur ma salle. Toi t'es échappé comme sur Arte, donc normal qu'elle te ça. J'attends des mecs qui... Et des mecs qui prennent... Envoyant ma dernière... Mesdames, je suis marié. Bisio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de l'Eto. Il est trop tôt pour aller au Hilton. Laisse-moi danser. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, on dit où on pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la Carton, danse à la Carton. On danse quoi? Danse à la Carton. On danse comment? Danse à la Carton. On danse qui? Danse à la Carton. Jeffrey, ramène-nous des garçons. Jeffrey, ramène-nous des garçons. Jeffrey, Fred de Scott, laisse passer le gigoteur. Le chemise à la Biggie, il coupe, il sort de chez Fab Barbershop. Oui, les gigoteurs aiment les gigoteurs. La classe ne fait pas le poule, mais le poule fait la classe des dents. Jeffrey, fais le tout sans lui. Yeah. Ok, calme-toi. Zach. Hey, Jeffrey de Scott, c'est pas. Mettez-vous tous en ligne. Tout le monde en ligne. Le public aussi, il prend en l'air. Non, eux, ils prennent en l'air. Les deux prennent en l'air avec le poing comme ça. Hey, ce soir, on danse à la... Le Fresh Prince en live à l'instant, et on peut donc aussi l'annoncer, l'autre surprise, c'est que je serai régulièrement sur scène pour la chorégraphie de ce morceau. On t'attend. Tu vas gâcher mon show. Zénith de Paris, on t'attend. Oui, on dort. J'ai vu les vidéos de la dernière fois où tu as fait. Bah. C'est n'importe quoi, mon poteau. Hein. Écoute, Fresh Prince, non, mais il faut que je répète 2-3 pas de danse, mais c'est bon, on y est. On n'est pas loin, en tout cas, de la perfection. Hein. Ouais, on va essayer. Tu es loin, mais bon. Bon, ok. Merci, Sopra. Merci. Tu avais, on a du respect pour toi quand même. Merci. Le Cosmo Tour qui repart le 10 mars à Toulouse. Allez, quelques dates que je vais choper comme ça, allez, par hasard. Le Zénith de Nantes le 20 mars. Il y aura Lyon à la Tony Garnier le 31 mars. Saint-Étienne le 2 avril. Marseille le 3 avril au Dôme. 4 avril ensuite à Montpellier, au Zénith de Montpellier. Puis ça va aller loin. Hein, jusque là, je vois des dates Angoulême le 13 novembre 2015. Yes. C'est fou. Ah ouais, il y a beaucoup de concerts là. Là, je vais perdre quelques kilos. Hein. Grosse tournée. On a des amis belges. Tu seras à Bruxelles aussi au Forest National le 30 avril. Yes. Pour tous ceux qui nous écoutent là-bas. Et présentons aussi quelqu'un donc, qui est là, qui t'a accompagné déjà pendant. Elle était avec nous. La première partie de la tournée. C'est ça, elle était avec nous à la première partie de la tournée. En fait, elle, c'est comme on parlait par rapport à New School. Moi, souvent, je vais sur le net. N'importe quel style, quand je kiffe, je retweet. Moi, je suis tombé sur elle. J'avais déjà expliqué mon Planet Rap, mais je suis tombé sur elle sur un freestyle. Au début, c'était des freestyles, elle faisait dans chaque ville. Ouais. Et elle mettait des actions après, par rapport à la dans ville. Plein de pays. Dans plein de pays et tout. Je dis, wow, c'est quoi ça? Et après, comment elle s'appelle? On les a contactés. Et comment elle s'appelle? Comme par hasard, en plus, ils signent directement là où on fait notre maison de disque, tu vois. Donc, direct, on s'est rencontrés. Donc, maintenant, c'est devenu une collègue aussi. C'est une collègue de travail. Voilà, Sienna, je l'appelle Sienna, la céréale killeuse. Voilà, la céréale kickeuse. Voilà, ça on va va dire ça comme Sienna. Ça va, merci à vous. C'est vrai qu'il y a défonce tout, hein, Sienna. Avec le EP qui est sorti, Sienna, dis donc. Ouais, il arrive le 9 mars, je suis très impatient. Ah, il arrive lundi, je pensais qu'il était sorti, mais c'est vrai qu'il est en précommande, on peut y aller. Il est en précommande depuis pas mal de temps. On peut cliquer dessus. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, on fait une nocturne ensemble, tu seras là aussi, hein, yes. Ce soir. Yes, on débarque dans la nocturne après la prog de la nocturne, Sienna. Putain, elle est partout. Hein. Pendant une bonne heure. Donc elle encadre bien en fait. Elle est en sandwich, elle prend 10 foules en sandwich. Elle est là un petit peu avant, elle sera là après. Tout va bien, Sienna? Tout va pour le Est-ce que mieux. Tu es heureuse? Heureuse. Ça va, tu es contente? Bon, ouais, ça c'est un premier projet. Premier projet, j'attends. De visite. J'attends ce que les gens vont en penser, les retours, etc. Mais je suis très impatiente en tout cas. Toi, ça s'est bien passé, les appréhensions sur scène avec Sopra ouais, et tout? Ouais, c'était mortel.

Siana à l'instant, quoi qu'il en soit, il y a le clip, c'est ça, hein, qui arrive. Disponible sur YouTube. Allez cliquer, allez voir Siana, allez découvrir Siana. En plus, il y a plein de petits trucs bien, Siana. Et c'est vrai qu'on disait que Sopra, t'as été dans plein de pays. Ouais, le tour du monde en freestyle. Le tour du monde, il y a un Siana Arabica qui est terrible, qu'on retrouve d'ailleurs sur le EP aussi. Ouais, ouais, on l'a remis du coup. Ouais, oui, quand même. Et bah, juste terrible. Yes. Bon, bah, tu restes avec nous, Siana, il y a du live. Bien sûr. On te retrouvera aussi, je disais, à la nocturne tout à l'heure. Yes. Dans un instant, on présente qui alors? On va aller plutôt en Belgique, plutôt à Marseille. Bah, on va aller à Marseille. Allez, à Marseille. À domicile dans un instant. Voilà. Et bah, la puissance nord s'installe au micro. On va les retrouver dans un instant. Bougez pas, c'est le Planet Rap avec Sopra, le Cosmo Tour. Et de retour dans quelques minutes, juste après ça. Keanu Reeves. Ladies and gentlemen. Même son enfant, la famille, c'est Soprano dans Planet Rap. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Avec Soprano, en direct sur Skyrock. Le Planet Rap avec Soprano, le Cosmo Tour qui reprend là du côté de Toulouse le 10 mars et la semaine prochaine avec Sopra entre 20 et 21. Ouais, ouais. Il y avait Siana qui était avec nous. Yes. Qui sera aussi avec toi en tournée. Voilà. Siana. Voilà. Toujours. Qu'on retrouve sur son EP et puis aussi seront en tournée aussi avec toi. Sur toutes les dates, hein, c'est. Voilà, sur quelques dates. Sur quelques dates. Voilà, il y a sur quelques dates. Eux et la Révolution Urbaine aussi. Toujours là, une grosse dédicace. Voilà, ils sont là. Et bah, Puissance Nord, comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Cool. Ça cool. va, tout voilà. se passe bien. T'as vu l'accent, comment il arrivait direct? Tu vois, je l'ai pas perdu, hein. Alors, je suis parti à Lyon et je l'ai. Tu l'as pas perdu? Ouais, je l'ai toujours. Comment voilà, ça va, messieurs? Ça fait plaisir. Bon, déjà, droit de réponse, puisque tout à l'heure, Sopra a dit, ouais. Ah, je vais dire un truc, ça va pas leur plaire. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est grâce à eux que j'ai commencé? Ouais, parce qu'après, les gens, ils se rendent compte qu'on est vieux. Mais non, mais c'est très bien. Attends, hein. Tout je sais pas ce que vous avez à Marseille. C'est vrai que Sopra Farrell, il y a un truc, hein. Vous avez un truc, les gars. Ouais. C'est le rap, je crois. Hein. C'est le rap qui nous ça a fait ça. Bon, après, c'est le côté commun aussi, hein. Ah, le Mrogo, l'Ondrovi. Tout ça. Voilà. Ouais, ça doit être plus ça, hein, parce que. Non, c'est je pense aussi c'est la scène, je crois. Ouais, beaucoup de concerts. Ouais. Concerts, après aussi on rigole beaucoup. Parce que, ouais, faut le dire, Puissance Nord, c'est aussi un groupe de scène, hein. Vous êtes beau. Très, très scène, ouais. Souvent en tournée, souvent. Ouais, voilà, des petites dates que bon, les gens sont pas au courant, mais voilà, mais on tourne beaucoup un peu. Ouais. Et là, il y a un projet qui arrive. Voilà, oui, le 9 mars, là. Ah bah. Lundi prochain. Hein. Mais que de sortie, le 9. 9 mars, Évasion. Donc yes. Évasion, voilà. Il y a un morceau on a entendu avec Sopra qu'on Blackout. Je sais pas si c'est le morceau qu'on va mettre maintenant. Ouais, on va passer au morceau Blackout. Blackout qui est prévu. Petite tuerie. Donc yes. Le 9 mars, Rancard dans les bacs pour Puissance Nord. Exact. Bon, cette tournée, tout se passe bien. Impeccable, franchement. Sopra, ah ouais. Nadia. Mais ils ont fait des dates. Ouais, je sais. C'était l'autre tournée. Ouais, c'était 2011. Ouais, on a fait Gap, Montcélimine. Ouais, et franchement, le public, il a un sale public. Franchement. J'avoue, là, tu vois, pour les Bruxellois qui entendent, qui vont voir, ils vont venir à Bruxelles, tu vas voir. Franchement, le public, c'est un truc de dingue. Ouais, ils sont, franchement, ils assurent. Franchement, merci beaucoup. Bon, bah, la Puissance Nord, maintenant, le son, on le balance tout de suite. C'est Blackout. Blackout. Ouais. Blackout. Allez, c'est parti. Puissance Nord avec nous. Hi. Et en tournée pour le Cosmo Tour aussi avec Sopra. Carré dans le showbiz, force bleu, force dans les coulisses. Faut du gros bif, ton trois soumises. Prodige, depuis tout petit, jalousie rond, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Solise, y'a du vécu, on veut réveiller ta ville, c'est que le début. J'ai plus le time, j'suis plus trop dans la zone. Sous les poches oreilles, j'ai la touche Maradona. On veut se tailler de la favela, construire et se lâcher de là. De suite, négro, on rêve tous d'être à Marbella, sur la côte en Panamera. Avant de crever, la puissance, séduisant. On a le poteau sur la rive violent. Prudence. Impatient, de mettre le feu en live, toujours partant. Fais le buzz, vas-y, clique, il est confronté les deux parce qu'on vise le haut. Hold up, tu bugs, tu t'inventes des rôles. Arrête, on t'a pas vu à part sous les parents de l'école. Blackout, c'est le retour des vautours, on n'est pas out. Blackout, ratatata, c'est but comme la manchave. Blackout, on a ce qu'il faut. Blackout, on fait ce qu'il faut. Blackout, on a ce qu'il faut. Blackout, on fait ce qu'il faut. Manama, pourquoi tu stresses? Manama, je fais de la monnaie. Manama, je fais mes jazz. Manama, quand j'ai le match, je vise pas les mollets. Manama, j'ai pas ton time. Manama, t'es loin de mes galets. Manama, t'es comme un vine. Ton flot tourne en rond, ouais, nous fait tous se marrer. nourrir ma blaca. J'ai la peau couleur pétrole du Qatar et la plume trempée dans le sang de ton cadavre. Blackout pour le casse-dal. Mes petits ont des calaches dans le cartable. Font des casses et des braquages. J'accumule les bagarres et les gardables. Les années de placard dans leur bagage scolaire. Y'a de la rage, de la colère. Ça ne parle pas quand la bague passe. Ça ne blague pas quand les liasses passent. Pour le partage, l'ambiance est polaire. Polaire, polaire, ou l'inverse est polaire. Je rappe chaud pour mettre l'été dans mes hivers. Oui, je donne tout en gardant les valeurs de mon beau Kandou. Demande à la pizza, serait Mamadou. Car là, je viens de profaner du MC. Nafissa à tout. Blackout, pas de stress. Blackout, qu'on éteint. Je mets ton rap KO. Ça black, black, black, black, black, ouais, black, ouais. Les mecs qui sont en bas, c'est pas les mêmes camps. Ouais, pas de neuf, ça se lâche. T'es dit t'as pas de preuves, faudra que tu nous lâches. Pas bon chercher les cuts, tu vas cracher le cash. Cache pas de bluff, tu veux savoir comment je suis quand je me fâche. Blackout, tu connais la magie, on fait partie de ceux qui parlent pas avant de réagir. J'racasse, j'racasse. Le cash arrive, t'as qu'on me guette, LM As. Pour tous les chiens, la casse qui sort du plat. Car y a une manière à nous de faire la fête. Pas grave, un coup de poing dans la tête. Pas grave, parce que je raconte nouvelle époque, je suis bête. C'est pas grave, merde. Je suis pas assuré, le son est tellement bon, il faut que la terre soit fissurée. Tu penses à vaturer, si ça va la purée. Si tu survis, j'espère ta caisse est assurée. J'enchaîne, j'ai pas une fashion, dis qu'il me sache. J'ai pas le foie, mais le truc du black fâché. Tu fais HM avec ton tartare, la Kini West. Un bon conseil, si tu nous croises, tu n'as pas de cachet. Black, pas, on a ce qu'il faut. Black, pas, on fait ce qu'il faut. Black, pas, on a ce qu'il faut. Black, pas, on fait ce qu'il faut. Black, pas, on a ce qu'il faut. Black, pas, on fait ce qu'il faut. Black, pas, on a ce qu'il faut. Black, pas, on fait ce qu'il faut. Blackout, pas de stress. Blackout, on éteint tout. Blackout, tout l'encaisse. Blackout, c'est le dead boost. Blackout, pas de stress. Tout l'encaisse, c'est le dead boost. Blackout, pas de stress. Blackout, on éteint tout. Blackout, tout l'encaisse. Blackout, c'est le dead boost. Blackout, pas de stress. Tout l'encaisse, c'est le dead boost. Blackout, pas de stress. Puissance Nord, ça sort donc lundi, lundi dans les bacs aussi pour la Puissance Nord. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Qu'est-ce qui vous fait marrer, monsieur? Ah, parce que non. Je leur ai fait un classique. Un classique, un morceau qui date des années 92, carrément. Et c'est la Puissance Nord. C'est vraiment la voix aiguë, on était petits. C'est une chanson qu'ils avaient fait. C'est impossible, tu peux retrouver ça. Voilà. Non, ça c'est impossible. Impossible. Il n'y a que les connaisseurs. Il y a que les anciens. Ah, les cassettes. Dans la cassette, je peux. Diego vend des cassettes. Ah, c'était l'époque, on avait un peu la coupe à la Kid and Play, tu vois, voilà, ouais. Au milieu, à la Fresh Prince, c'était Fresh Prince. Voilà. J'ai demandé quel souvenir t'as toi des tout débuts de Puissance Nord, donc t'étais tout petit. Alors, je t'explique, c'était comment t'expliquer? Déjà, c'était les Américains de Marseille. Ils arrivaient, ils étaient toujours les contours de ouf. Ils étaient toujours stylés. Je me rappelle un jour, ils sont venus dans le quartier qui est le quartier de Zidane. Ouais, la Castellane. Ils arrivent, ils rentrent sur scène, ils étaient tous là. D'un coup, je me rappelle comment ils étaient habillés et tout pour t'expliquer. D'un coup, ils commencent à envoyer un morceau et c'était l'époque, je sais pas, les gens s'ils connaissent Twista. Et eux, ils arrivent comme ça. Il y avait un flow. Tout le quartier, il a pété les plombs. On a dit, c'est qui eux? Ils arrivent comme ça à rapper. Ils avaient traumatisé le quartier et tous les quartiers nord. Bah, puis l'aventure continue, c'est beau quand même. On est encore là. Voilà. On vit en direct. Bon, sauf qu'on a plus de cheveux. Maintenant. Non, mais on peut parler un truc à la Kid and Play, ça. Parce qu'il y a trop eu en fait. Voilà. T'as trop donné à une époque. Voilà, on est tous mariés, tous des enfants et voilà. Et puis l'aventure continue. Toujours. Et on vous retrouvera sur scène, la Puissance Nord, sur scène avec Sopra pour ce Cosmo Tour. Et puis on vous retrouve aussi dans les bacs, je le disais, le 9 mars. Yes, c'est ça, avec le projet qui arrive. Dans un instant en live aussi. Est-ce qu'on présente nos amis belges maintenant? Voilà. C'est Sopra. Ben regarde. Puisqu'on fait un peu le tour, ce soir c'est la dernière. Tu m'en avant ceux qui vont t'accompagner durant ce Cosmo Tour. Voilà, là on va quitter la France. Ben regardez, pas très loin non plus. Hein. Ouais, pas très loin. Hein. C'est même pas comme je sais pas une heure, même pas. Hein. Et comment il est d'ailleurs le public là-bas? Il est bien? Alors attention, je ne dénigre aucune ville, mais le meilleur public que j'ai eu, le meilleur concert que j'ai fait, c'est au Forêt Nationale. C'est vrai. Ouais, j'en ai écrit carrément un chapitre dans mon livre. C'est quoi le... C'est une grosse scène, hein, le... C'est un peu le zénith. C'est un peu le zénith à Bruxelles. À Bruxelles. Et c'est vrai que j'étais pas prêt, je me rappelle. Il y avait ceux qui nous avaient fait la première partie, c'était Révolution Urbaine et Carpe Diem. Je me rappelle que Révolution Urbaine, avant, ils sortent de scène, ils viennent directement dans ma loge, ils disent gros, je crois que c'est un truc de fou. Après, d'un coup, il y a Carpe Diem, je vois REDK qui ouvre la porte et dit gros, je crois que c'est un truc de fou. Je dis qu'est-ce qu'il dit? Et on est rentré sur scène, j'ai pété les plombs. À peine on a commencé le morceau, je crois, on a dû arrêter pendant une minute ou deux. Et sur scène, c'est long, une minute ou deux. Ah ouais, le public, il a crié. Il n'y a pas un morceau que j'ai chanté de tout le concert. Bon, c'était un truc pour de toutes les autres dates de la tournée, c'est ce qu'il reste à faire maintenant. Je vais leur mettre la pression. Et donc, tu les as vus pareil sur le net, tu te balades et tu tombes sur eux. Lundi, on leur a passé un coup de fil et ils sont là ce soir. Ils ont répondu présent déjà, merci. C'est New School. Ils vont se présenter, je crois que moi, je les ai rencontrés comme toi. Donc voilà, ils se connaissent mieux que moi, je les connais. Ça va bien, messieurs? Ouais, ça va, tranquille. En forme? Ouais, tranquille. Merci d'être là, merci d'être venu en tout cas. Merci pour l'invite en tout cas. Un petit aller-retour, vous connaissiez pas physiquement Sopra. Non. C'est aujourd'hui on s'est rencontrés. Ouais, ouais, ouais, effectivement. Bon, ça va, pas trop déçu, il s'en raconte pas. Il y a des gens qui disent je suis plus grand. Non. Franchement, moi j'ai pensé là. Quand je t'ai vu, je pensais que t'étais vraiment. Beaucoup plus petit. Petit, ouais. Ouais, bah non. Ça va, j'ai de la carrure. Ouais, hein. Fais pas de sport. Carrure, attends. Fais pas de sport, tu vois quoi. Attends, plus je te regarde, plus j'ai l'impression de. Je suis dans le rap game, il faut que je sois fort. En gros, un petit mot sur le parcours de New School et de votre parcours à vous. Ok, donc New School, c'est un collectif. Enfin, même pas un collectif, c'est un groupe. Un groupe constitué de 5 MC. Ok, il y en a un qui n'est pas là aujourd'hui. Un gros big up à lui, HD La Relève. HD La Relève. Et donc. Big up à toi. On a fait un parcours là pour l'instant de une année. Pour l'instant sur le net, ça fait une année qu'on est visible. Et on a sorti un premier EP. Le EP il avait bien pris, en tout cas chez nous à Bruxelles, ça a bien pris. Et puis après, au fur et à mesure, on a fait un DDC. DDC c'est début du commencement. C'était un projet. Chaque deux semaines, on balançait quelque chose. Et donc, le dernier projet, c'est ça, entre guillemets. Et puis il y a eu le freestyle. Et puis Sopra, et là. Et je tiens à préciser, il y a des fois, tu as vu, je relaye beaucoup de choses. Hein, et n'importe quel style, des trucs de électro, rock, funk, tu m'as un peu... Eux, quand je les ai balancés, ils sont passés en 3 heures, ils sont passés de je sais pas combien de vues à 200 000 vues, 300 000 vues. Ça, c'est monté direct, tu vois. Donc, je pense que je m'étais pas trompé. Ça veut dire qu'en effet, il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Vous avez la pression parce que vous, c'est le 30 avril hein, à Bruxelles, au Forest National, 30 avril prochain. Ils seront donc en première partie, c'est ça, Sopra? C'est ça. Au Forest National. C'est ça. Tous c'est pour ça. Rencontrer ils, News. Ils nous ont dit oui tout à l'heure, donc on est bon. Eh bah, ouais, ouais. Là, on... Et vous avez apporté un petit morceau qu'on peut balancer. Ouais, on a apporté un petit morceau. C'est le morceau de. C'est un extrait de la série de clips qui s'appelle Début du commencement, qu'on a lancé en attendant la sortie de notre projet. Et ben on l'écoute maintenant pour avoir un aperçu New School maintenant. Ils viennent de Belgique, ils sont là avec nous. Entre 20 et 21, ils seront aussi en concert durant le Cosmo Tour de Sopra. Bruxelles. Bruxelles. Ah, je te la relève. Tu connais déjà. New School, baby. Ça fait trop longtemps qu'on se tait. On bosse nos concepts. On nous en vous observer. On vous a laissé trop faire. Donnez-nous les trophées. Et là, mon écho se casse. Concurrence trop faible. Devant aucun obstacle. Ça fait trop longtemps qu'on se tait. On bosse nos concepts. On nous en vous observer. On vous a laissé trop faire. Donnez-nous les trophées. Et là, mon écho se casse. Concurrence trop faible. Devant aucun obstacle. Pa. Envie d'investir un désert, tigle. Pour tous ceux qui parlent, mon écoute, elle sent froid. Mais voilà, si je le dis, sors du gueule. Alors comme ça, tu veux mon esprit? Pour faire, j'ai fait les faire et attends. Merde, ça j'ai pris le flow à Cisco. Flow face et assurance, tu connais l'équipe. Ça fait un an qu'on fait que j'y fais de nous. Dis pas qu'on équipe, demande aux petits connectés qui dominent sur la capitale. Ils diront tout sans hésiter que nous a rendu capitaine. Nous school, au secours, on souffre. Voilà ce que la concurrence dit à chaque titre. Je les scoule, mais je les scoule. Comme Cristiano Ronaldo après un hat-trick, c'est mon comeback. Et je vous fuck tout, j'ai écouté vos tips. J'ai fait un infarctus. Tu parles de snack, tu parles de cocaïne. On sait tous que les guns dans vos clips sont des âmes factices. Frère, on est à beaucoup. Voilà, Ibula, il connaît beaucoup. Un appel, deux appels. Et dans ton cas, on vient beaucoup. Début du commencement, on fout dans le boucan. Dédicace à tous mes gars des Balkans. Yeah, bam, Tima, écoute, affiche, Sharon. Mes Albanais sont calachés, négro, fais pas le con. Ratatata, boule de l'Est. Rapapa, un pan, des chicots partir en laisse. On me tient pas en laisse, moi, même quand je suis en chien. Bah, ça t'as pas de fesses, fais pas sable déhanché. Ha! Pixel, Congo, Maroc, Turquie, Kosovo. Au spécial, aussi pour Mérital, car on les oublie bien trop souvent. Business comme une seule ville, faut que ceux qui veulent pas le concevoir. Moi je suis pas dans vos délires, moi je veux que ça butale, plus on s'en va. Avoue que t'avais kiffé le flow que j'avais pris dans 20 décembre au début. HD la relève, aka aux définitions au débit. Plus de 143 Kinshasa, Masta, Avi, je suis affilié. Capitale de l'Europe, BXL, c'est ma ville, voilà, je suis fait IR. Attends, c'était pas toi qui nous négligeait il y a peu de temps. Je suis revenu des terres pour couper des têtes par les anciens combattants. Je viens faire des pépettes jusqu'à perpète. Si j'ai la grosse tête, pardon. Mais tu disais qu'on faisait de la merde, maintenant tu lèches nos culs. Et partant, dans ce milieu d'hypocrite, y'a personne pour t'aider. On s'est fait tout seul dans une impasse comme Béné. Lèche comme pouce, n'hésitez pas à bander. All eyes on me, fuck tous ces aînés. Pour le talent, c'est inné. Pour le talent, c'est inné. Laisse tomber le shit, l'alcool, la coke, la muscu et les barres protéinées. Et cette fois-ci, j'en passe une appelée. M'boyo pelé. 4 ans de heads, 4 millions le prix du transfert. Je te le rappelais. Vrai négro font vraie chose pour remplir l'assiette. Demande à beaucoup. Et si on dénigre sur le 3, 5, 7. Shit, vaut mieux beaucoup. On va pas se barrer, on sait que c'est relou. On va pas se barrer, on sait que c'est relou. La concu, une question. Nous school buzz, ouais. Parce qu'on est fort, parce que la plupart de vos sons sont rennes. Question bête. Question bête. Réponse de Ahmar. Le temps, c'est de l'argent. Je l'ai compris quand j'ai vu le prix d'une Audemars. Pour la famille directe, un frère couple, on se doit de payer l'avocat. Dès qu'ils sortent de tôle, on fait la grande fête, acheter un garment d'Oka. On coupe et on décale, comme font les refrains d'Abidjan. Même si je te connais pas, tu veux un feat, gros parle en budget. La kissa bango, la kissa bango, comment faut trapper. La kissa bango m'a dit déjà, la kissa qui est le patron. Dans ton équipe t'as pas drôle. MC, en gros t'es la mascotte. Muscou, au secours, Choda, Moscou. On a des points d'avance, négro t'es mal score. Ça fait trop longtemps qu'on stay. On bosse nos concepts. En douce on vous observait. On vous a laissé trop faire. Donnez-nous les trophées. Et la monnaie qu'on se casse. Concurrence trop faible. Devant aucun obstacle. HKM, detox, verbal. Si t'es j'ai ma gueule. De Polo, Julius, Victory Général Boss, PKZ, tu connais, Verco, incontournable, déjà, même qu'on ne cite plus, BK7, yes, je t'oublie pas ma gueule, LBS, Vigno, celle-là c'est pour toi, Anthony, VTB, mondialiste, après tout c'est normal, HD la relève, New School, baby, baby, New School avec nous. Okay. Et ben voilà, un bon aperçu. Yes. Ah voilà. Et donc pour vous 2015, il y a des projets, il y a des choses qui arrivent. Ouais. Là on bosse sur un projet là, donc pour fin d'année. Et en attendant, on va continuer à balancer des vidéos sur le. Eh bah, t'as une sacrée équipe avec New School, hein, Sopra, t'as pu suivre là à l'instant dans le studio. Ah, ils sont ambiancés. Hein. Et bon, on va continuer à s'ambiancer. Est-ce que tout le monde est prêt pour le live maintenant? Siana, Puissance chaud. Nord, New School, chaud. Mej, est-ce que tu es chaud aussi? Yeah. On peut attaquer? On va attaquer. Bon, j'ai écrit Zach et Diego, ils sont il y a pas longtemps. Je n'ai pas fini, ça va partir en sucette après comme d'hab. Et bah, comme d'hab, freestyle, c'est parti maintenant, on y va. Session freestyle dans le Planète Rap pour cette dernière soirée avec Soprano et le Cosmo Tour, on y va. Mais c'est quand tu veux. Ah! Ah yo, psychoblue magique, new school, baby baby. Junior Malanda, et pour toi c'est là frérot. On t'oublie pas, ah hey. Je te dirai, salam alaikum si tu veux me salam. Bien sûr je te check, je fais pas la biche, mais ça aux zemmen. Un petit conseil, vu que tu sais qu'on récolte ce qu'on sème. N'enfonce pas à tes problèmes sous terre, car là où tout se sait et tout se paye. Devant l'éternel y'a pas de crédit, tu gifles ta soeur, t'embrasses celle de ton pote. Non c'est pas crédible, c'est pas celui qui dit qu'il est, ni celui qui fait qu'il dit. L'auteur des faits c'était fait le faible, or qu'au fond c'est lui qui dit. Certains veulent bluffer, or qu'on a même pas sorti les cartes. Ils jouent avec notre imagination comme dans Cartoon Network. Et certains gens se disent, mais big grave du shit à quoi ça sert. Faut savoir qu'ici c'est tous les mois que le ceinture se sert. Ok, attends, j'ai vu le don que j'ai. Ça en jette, j'ai écouté tes sons, j'ai songé. Finalement jette, ouais y'a danger. Lentement mais sûrement tu t'agrippes. BL, rap un peu s'il te plaît, s'il fout je te suce la bite. Je crie à l'aide, personne m'entend, ça t'étonne. Pourtant je crie même plus qu'une daronne Z au téléphone. À force de goûter à la rue, t'as vu comment t'es. Tu sais plus quoi faire comme un pasteur devant un décolleté. Compte pas sur une main pour accéder au bonheur. La seule main qu'on m'a tendue, c'est avec un doigt d'honneur. La proie se fait rare, donc je me mets à guetter. Si tu vois ta soeur boiter, frère, tu peux t'inquiéter. C'est derrière, encore dans le trou, mais un toxico à cogner. Une fois m'a dit la fin, passe pour ton collier. Y'a plus de petit avec des moyens. Ouais, je passe à rien moyen. Y'a moi, mes potes et ses potes, vas-y, m'énouille. J'suis pris dans la spirale, mais cette merde m'inspire. Grave à écrire des textes, speed, street, elle est text strict. Tu veux jouer au plus fou, cap ou pas cap, ça tente. Couteau dans la gorge, y'a pas que les fleuristes qui pleurent. Le rap, on y aura une histoire. Ne pleurez pas, il n'est pas mort. Il dort, je te l'ordonne, Lazare, lève-toi. Mais pas la haine, calcul, pas la chute, mais l'atterrissage. Dans ce cas, la news coule atterrissale. Et pas, c'est soit une grosse paix ou une grosse peine. Je veux une paix, série, c'est une bombe avec une grosse paix. Insolent, vulgaire, je respecte aucune règle. Des punchlines tellement tard que même les schizophrènes. Que même les schizophrènes, on est ensemble, Excel, New School. Dans le rap, la New School s'installe comme des locks sur un rasta. On est venu prendre les commandes, choquer le bazar et puis basta. On place la barre haute, met ta combinaison spatiale. Ça bastonne un peu comme dans les camps d'entraînement spatial. Masque pas, on sait que t'as kiffé nos flots de martial. Formé comme à la Masia, New School et le Barça. Masta, je te fous les boules, avoue-le. Mon rap est top level, toi ton crew est vu comme Raoul. New School, les boules, les bruxellois se couleur. T'étais ceux qui voulaient, t'es ce tort de douleur. Crois ou deux, si t'as retourné ton veston. Fiston, le but c'est de percer tout en restant vrai et authentique, donc je me dois de garder tendu. Le troisième doigt à l'industrie qui voudrait que je me dandine. Je me dandine comme David, Guetta, non moi je suis ghetto. Tellement ghetto que sur mon rap les frères peuvent rouler leur bédo. New School, bébé baby, okay. Capitale de l'Europe, on est ensemble, y'a rien. New School, Silex Boys, ouais. Check, okay. Je rentre dans le game, tous les MC Chugou. New School c'est nous, bang bang sur vous. Hey yo, c'est New School, la concu se bouscule. On bosse dur, fuck ta candidature, même si tu postules. Trop stylé, tu connais le costume. Snapback, frog baissé, l'équipe a des flots de killer. Ok, psycho dealer, qu'on reconnaît le moine à son crâne. Tu vas te casser les dents si tu croques dans la pomme à ton Mac. New School, cristal quand tu dors car la night. Tu connais le niveau 83 de rire par night. Je les ai vus au loin, tous voulaient ma chute. Faut que ces langues de pute donneraient leur huc pour se faire une répute. Quand on fuit de bolos, je vous prends pas au sérieux. Comme toutes ces meufs matérialistes prêtes à te faire un gosse. Je kick ça fait des années, faut que je connais par cœur. New School, ça va percer, suffit de soigner son parcours. Rien n'est parfait, juste dans le monde à Luther King. Les leurs dit te dire, on te ramène jamais à leur pile. Ouais gros, New School fout les fuego. On rappe par passion, mais pour remplir le frigo. Ma mère prend plus au sérieux, elle a peur pour son fiston. Tes pistons, garde tes profits dans des frissons. Disons qu'on s'est fait tout seul, on doit rien à personne. Dieu merci, on s'est pas mouillé dans des combines persales. New School, baby, baby. Oui, oui, oui. Bruxellois, bruxelloise, on est ensemble. Parisien, parisienne, on est ensemble aussi. Ok, marseillais, marseillaise, on a réveillé l'eau qui dort. Hey, chouf, chouf, ok. Tibal, cavale, c'est Chesco la rafale. Je rappe sale pour mes renois, mes rebeux au hepsuck. Bang bang, quand je peux rasser le drive-by. Toi quand tu prends le micro, voilà que mes gars. Ça fait un bail que j'entends ton rap qui rinceule. Sur toi j'ai envie de seul, comme Vegeta j'ai le seum. Fils de, fallait pas tester, j'ai le flow à ça. Toi t'en as que les sables, tout démonté face. WhatsApp, HDA toujours le visage caché. Et toujours une case d'aide, à mon poteau Floyd Ben. À mon poteau Jardet, et qui est déjà. Mon d'abord c'est trop chaud pour eux, faut qu'ils dégueulent. Cool, flow fou des baffes, c'est devenu la routine. Ourti, ils m'ont négligé, maintenant la roue tourne. Là j'y vais tout doux, ton roudoudou. Dans l'album, je veux danser le coudourou. Chesco, a.k.a. le 357. Moi, ça, je vise la tête de ces bararman qui racontent de la merde à nos petits sans cesse. Là, moi, ça me stresse devant toutes ces petites que j'ai vu grandir devenir des salopes petit à petit. Ça part en mini-jupe à l'église. Ça porte le hijab en legging. Trop de salopes jouent les filles bien. Trop de salopes jouent les filles bien. Elles veulent passer d'un milieu à l'autre, incognito comme la race des amphibiens. BXL, c'est pas ton ville. Ici, y'a pas super nana que des taspés qui sortent au Mirano pour tuer qui est toute la neige. Je dois éviter ces go haram. Inch'Allah, je trouve une go dans le jean. Et qui boira du coca light tout en me préparant des gros tagines. Moi, j'en place une à tous mes gars de Saint-Gilles. Ouais, Molen, ouais. Anne, Saint-Sanderlet, ouais, ouais. Nam, Simon, Nissi, TG, BK, ZD, Chaussée d'Anvers. Ça fait 10 ans que je rate. Ok, 10 ans que je rate. Dix ans que je rate. Faut que tu me crois quand je te dis qu'avec mes gars, on contrôle toute la capitale. Je suis le meilleur de ma génération. Meilleur de ma génération. Et si je me mettais subitement à traîner avec des rappeurs, je serais une mauvaise fréquentation. Laisse-moi. Okay. Toujours là, New School. Si y en a, puissance, non. What's up, c'est Paola ou quoi? What's up? Connexion Bruxelles, Marseille, Paname. Jusqu'à Beauvais, boy. Yeah, le 9 mars dans les bacs. Allez, on est à ou quoi? Yeah, On les laisse derrière, on les a dépassés. Je paye pas de mine, mon avenir est tracé. Mouille le maillot pour ne pas être à sec. Tu nous vois sur ta route, faut nous laisser passer. On débarque dans la mêlée, j'ai mon équipe dans le dos. Je laisse beaucoup d'MC dans le doute. Mental à la Django, ma négé, c'est comme ça que ça se passe dans le hood. Ok, je suis lancé, ça y est, je suis dans les stars. Non, je fais pas partie des stars, je suis plutôt discrète, donc je reste à l'écart. Ça part de quoi, dis-moi pourquoi les pas. Ça s'embrouille pour un simple regard. Car sur table, ils attendent ton flop pour te retrouver à la case départ. Augmente le volume, fais ronronner les basses. En ce moment, je suis off parce que tout le monde m'agace. Demande à mon gaga, on a déjà mis les gaz. Pas que le succès, l'espace, on est déjà dans l'espace. Toujours dans sa PM, première de la classe. T'es dans un parking, te t'auras ma place. Mes coups t'es rapé, te provoque de l'as. Mais vous coupe le raté, ouais, en vrai, ça me lasse. Deux pieds dans le rap game, un œil sur la concu. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Frère, tu racontes n'importe quoi, j'écoute parce que tu prédis. Yo, je dois jamais rien à personne, c'est pour ça que j'ai jamais de crédit. Trop d'infos, on me dit si Anna, ça y est, faut que t'avances toute seule. Je fais genre, je m'en fous, mais au fond, je sais que ces gens me portent tous l'œil. Bienvenue chez nous, on te passe le salaire. Debout jusqu'à ce que le soleil se lève. Reste pas trop près si tu vois que je m'énerve. Dors tellement peu que j'en oublie mes rêves. Premier EP, personne n'est prêt. Dans le business, personne m'effraie. Je les écoute rapper, ça me fait pas d'effet. Pendant que moi je fais des tubes sans faire exprès. Tu cries partout que t'as le bras long, mais tes manches comme faux radas. En mode rouge quand je passe le salam. En débitant la vitesse d'une calache. Alright, c'est quoi le plan? Si ça parle pas monnaie, moi j'ai pas le temps. Man, j'ai pas le temps, non, pas le temps. Et si ça parle monnaie, man, j'ai pas le temps. What's up? Yeah, yeah, F, 9 évasion, le 9 mars, puissance nord, Marseille, aïe, aïe, ok, check, check, check, alors, Sopra, puissance nord, aïe, brrra, ok, aïe, Sopra, puissance nord, F-A-H-A-S. Yo, c'est nous les real, ne regardez pas ailleurs, on a déjà contrôlé la ville. C'est nous les real, ne regardez pas ailleurs, on a déjà contrôlé la ville. Celui qui marche droit, retrouve toujours au sa route, même dans le noir. Tu veux du style? Écoute, c'est la PN. Non, non, faut pas que tu te plaignes. Toujours à l'ancienne, on rassemble, on avance, on balance le message, on rapache l'aime. Rien n'est facile, bam, un homme sans honneur, schling, comme un cadavre. Indélébile, on peut laver ses mains, son corps, trois fois, mais pas sa conscience. C'est vrai que les douleurs sont inévitables et que les lois d'aujourd'hui ne sont pas équitables. On veut récupérer notre héritage, toujours à la mode, malgré les kilométrages. On a la rage, on écarte tout sur notre passage, on saisit l'occasion, écartez-vous les toutous, pour pousser vous soyez sages. J'envoie la rafale, cours, ça va faire mal, n'oublie pas le shahed, n'oublie pas ton pare-balles. Frère, aucune écoute depuis, car c'est normal, on veut tout pas, tu croyais quoi, on continue le combat. Dis-leur bien, qu'on est pas leur chien, qu'on est pas là pour rien, on est des Comoriens. Jay-Z, c'est pas tes grosses lèvres, quand t'as la vie, Jay-Z, pas les conseils, fallait nettoyer ton mardi. Le rap, c'est le Uzi, chose que je cuisine, quand j'arrive, t'as trop la haine, Richard et ta cousine. Baisse tout, j'en ai partout, j'garde tout sur la musique. Rap, reggae, rap, goûte, c'est du bangé, certifié qualité de la bombe pure. Frappe, Jay, puissance noire. Le 9 mars, l'évasion. Aïe. Yeah, prêt pour le massacre. Qui n'a pas cru, qui n'a pas vu la comète arriver dans le rap, c'est ça là, aujourd'hui c'est foutu. Côté vendu, trop de fachos qui jacassent à la une. Trop de petits qui mangent dans les rues. Trop de petits qui mangent dans les rues, c'est la jungle à la mort. On a l'habitude, trop d'attitude, laisse-moi faire. Quand on arrive sur le com, quand j'exécute, reste à terre. Reste muet comme une tombe, c'est les catombes, dans le béton. On a la marre tes histoires à la con. Frère, y'a le rap qui décolle, me dis pas, je m'étonne quand tu bois, que je donne qu'à des concerts. Observe, c'est la maîtrise, prends des notes, mon petit, c'est les grands frères. Sur scène, t'as des limites, on finit le contrat comme des gangsters. C'est le gangbang, cette année je le sens, ça va être sanglant. Je finis le couplet dans le speed, ça va vite mon ami, je te le dis, je n'ai pas le temps. Aïe, le 9 mars, puissance non, évasion. Puissance non, aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Y'a eu du flow de tous les sens. Bra, DJ Mbeige. On va voir ce que ça donne. Bra, bra, bra, pura, pura, pura, pura, pura, pura. Est-ce que tu peux mettre un Drake là? Aïe. On le mérite, on le mérite. Dis-moi comment va boy. Oui, toi, boy. Oh, toi qui disais avec amour que ma carrière finirait dans un trou après mon premier album, boy. Bien sûr, je te pardonne, boy. Nah. Personne n'est parfait, boy. La rancune, c'est pour les faits. Prends un verre et fête avec nous les disques de platine, boy. On le mérite, on le mérite. Le succès m'a dit oui à la mairie. 15 ans de fidélité. Oh God, je suis un bon mari. Ah. On le mérite, on le mérite. Ouais. Ce bordel dans les clubs, mais dans les élites. Ouais. Autour de moi, tu verras que des Golgoth. Mon équipe est solide. Ah oui, on le mérite, on le mérite. Ouais. Ouais. Ta jalousie, on la fume. Comme une bonne chicha, oh God. Mets-toi bien, ma chérie. Ah oui, on le mérite, on le mérite. Ah, mon public est magnifique. Ouais. Si tu parles mal, on chie. ma chérie. Ah là là. J'ai quitté le rap game pour m'en prendre pas plus mal, boy. Oh. L'apologie des armes de guerre, c'est pas de mon âge, boy. Oh. Je me vote pas de vie, mon pote. Nah. Je sais qui je suis, boy. Laisse-moi faire des hits, mon pote. Nah. Laisse-moi faire mon biz, boy. Oh. Sinon pas comme un Akin boy, plutôt comme Travis boy ou Trevor Martin boy. Oh, je vais repartir en impro car je suis un peu fatigué. Regarde un peu comment je joue le cowboy. Oh. Avec ces mecs qui sont toujours en train de freestyler. Son Pambaba toujours en train de venir t'étaler. Oui. Comme si j'étais Mike Tyson quand il avait la vingtaine. Son Pambaba en train de toujours zigouiller. Oui. Le style est excellent. Dès l'emprise du microphone, tu vois que je suis rapide et toi t'es lent. Oh. Le flow est trop réincarré. Son Pambaba toujours en train de te montrer qu'il vient se marrer. Devant toi comme si c'était un vine. Son Pambaba toujours en train de te monter comment il va. Regarde un peu comment j'arrive avec un flow qui commence à te montrer franchement que mec, franchement t'es en panne. Pour moi ça roule, je continue toujours à rapper pour te montrer que je mate pas les boules. Je suis quelqu'un de marié. Soprano Baba toujours en train de te montrer un peu comment je suis en train de parier. Surtout ces mecs qui sont kickés comme des fous. Soprano Baba toujours en train de te montrer qu'on est pas là pour faire les loups. Même si la lune est là, Soprano Baba toujours en train de foutre le fire, foutre le bordel pour le freestyle. Yeah. C'était en live. C'était en live dans Planète Rap. Désolé, désolé, il y avait du monde. Merci, merci, merci à New School qui était là. Merci à Siana. Merci à Puissance Nord, à la Puissance Nord. Merci à Sopra. Merci Sopra pour cette belle semaine. Et juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Flavie de Saint-Etienne, comment ça va, Flavie? Ça va, t'es en pleine forme, Flavie? Oui, ça va, Flavie. Pardon, je n'avais pas entendu. Ah oui, tu vois, regarde, tu étais dissipé comme le bruit qu'il y a dans le studio de Planète Rap. C'est ça, ouais. Bon, t'es prête à faire tourner la roulette, on y va. Ouais, tiens, Sopra, il sera à Saint-Etienne au Zénith le 2 avril. Ouais, je sais, on y va. Et t'as déjà les places pour aller voir Sopra? Ça y est. Flavie, elle a les places, elle y va, elle a déjà les places. Ah, c'est cool. Et elle va peut-être retourner au Zénith aussi pour aller voir. Je sais pas s'il passe à Saint-Etienne ou à Lyon. Il passe Gims, je crois. Il passe à Lyon, ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Quand on veut? Quand tu veux, Flavie. Allez, Guélan. 1, 2, 3. Tu le fais avec qui? Tu le fais avec qui, le stop, Flavie? Avec mon petit neveu. À ton petit neveu. Il a 4 ans. Ouais, un peu petit pour le concert de Gims, mais toi tu y seras, c'est le 18 décembre à Lyon, Al Tony Garnier. C'est terrible. Félicitations. Bravo, tu vas voir Sopra cette année grâce à Skyrock. Tu vas aller voir Gims aussi. Magnifique. C'est génial. Magnifique. Voilà, cool. Impeccable. Et bon, fais des bisous. Bisous, Flavie. Merci. Ciao. Gros bisous. Bye. Merci, Sopra. Bonne tournée. On croise les doigts pour cette belle tournée du Cosmotour qui repart là du côté de Toulouse. Yes, je voulais faire une grosse dédicace à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, qui viennent à mes concerts. Mmh. Tu sais, il y a une grosse, grosse équipe qui prennent carrément des fois des 10 billets dans des villes différentes. Ah oui, il y a des gens qui suivent, ouais. Qui me suivent. Donc, je suis obligé de leur faire des dédicaces. Je vais pas dire tous les noms parce qu'ils sont beaucoup. Et après, ils vont. Voilà. Là, tu m'as oublié. Donc, voilà, à la Sopra Family, à la Team Soprano, à tous mes clowns. Voilà, à ceux qui étaient là avant et qui sont là toujours là. Donc, une grosse dédicace à vous. Une grosse dédicace, bien sûr, à ma psychiatre. N'oubliez pas, l'album d'Alonso est dans les bacs. RDC. Voilà, RDC dans les bacs. Lui aussi est en tournée, donc il arrive bientôt dans votre ville. Il y a aussi Monsieur Vincenzo, mais il a tout dit déjà. En tournée en Clofil. Avant-hier, en tournée en Clofil. Mais il est avec moi aussi, ça se passe bien. Donc, on se retrouve là. Une spéciale pour Sia, une spéciale pour toute ma famille. Je vais pas faire une dédicace à mes enfants. Ils le savent déjà, ma femme, mes enfants, mes frères, sœurs, papou en prison, la famille, tu le sais, poteau, tout le bâtiment, le bon meute. Voilà, une grosse dédicace à tout le monde, à tous ceux qui m'envoient des messages par rapport au clip de Clown. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci à Zach et Diego qui étaient là cette semaine, à Mesh qui était là cette semaine aussi. Yes. Et le clip est dispo pour Zach et Diego. Voilà, il est dispo depuis tout à l'heure, depuis 18h. Donc voilà, continuez à y retourner, Zach et Diego. Et merci beaucoup pour vos messages parce que ça nous encourage pour le futur. Pour la suite. Merci à vous tous. Merci Sopra, bonne tournée. Merci. Ciao Frédéric. On t'attend au Zénith. Voilà, et merci, tu as vu. Je prépare ma patte. Ah, merci à Siana, merci à New School, merci à toute l'équipe qui est venue. Puissance Nord, voire Révolution Urbaine. Une grosse dédicace à Carpe Diem, REDK, tu le sais, la famille Mino. Mino qui a son EP dans les bacs. Voilà, je gratte tout, mais voilà. Difool, ciao. Allez, c'est parti avec Difool. Sinon, on la retrouve aussi juste après Difool tout à l'heure à partir de nuit. Ciao. Salut Mino, salut Soprano. Et attention, Soprano en tournée dans toute la France et le Cosmotour, ça démarre la semaine prochaine. Et vous avez les répétitions tout au long de la semaine dans Planète Rap, c'était c'est trop ça. Bon. Ils sont et ça apporte des chances à l'OM, les gars. Et ouais, l'OM qui gagne 3-0 face à Toulouse. Et alors en 23 minutes de jeu. Il y avait 2-0 au bout de 5 minutes, gros. Et voilà. Et Samy, il s'emballe pas du tout. Non, pas du tout. On va voir. On s'est fait déchirer le puits début janvier. Et là, ce soir, c'est reparti. Non, mais c'est bien, l'OM. Désolé, les Toulousains. 1-0 au bout de 5 minutes. Après 2-0. 1-0 au bout de 1 minute. 2-0 au bout de 5 minutes. Ah, et là, il y a à peu près une demi-heure de jeu. Il y a 3-0. Bon, c'était le point footballistique de l'émission. Heureusement, il y a tout le reste qui arrive. Il n'y a pas que Samy qui est là. Toute l'équipe en direct sur Skyrock. Et on va démarrer avec le nouveau Wiz Khalifa. Wiz Khalifa et Iggy Azalea. Encore une nouveauté Skyrock. Vous avez découvert ici, c'est la BO de Fast and Furious 6. Vous 7, l'avez grave. 7. Et ouais, déjà. Ah oui, 7. C'est lancé. C'est la BO de Fast and Furious 7. Vous l'avez découvert sur Skyrock. Vous l'avez beaucoup demandé tout au long de la semaine dans l'émission. Et bien, on écoute tout de suite. C'est Wiz Khalifa, le tout nouveau sur Skyrock et Radio Libre. C'est parti, allez-y. 1500 euros tous les matins sur Skyrock. C'est ça, c'est Skyrock. La prochaine fois que t'en